FrenchPod.com. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le bilan provisoire de la vague d'attentats qui a secoué la ville de Bombay, poumon économique de l'ouest de l'Inde, se montrait à environ 400 victimes. Nous allons y revenir dans un instant. L'aéroport international de Bangkok est toujours occupé par des manifestants anti-gouvernementaux. Le parti au pouvoir en Turquie, l'AKP, est menacé de dissolution pour cause d'activités anti-laïques. La Cour constitutionnelle turque devrait se prononcer sur la question sous peu. Et le Zimbabwe est en ce moment en proie à ce qui semble être une épidémie de choléra. Les attaques coordonnées qui ont lieu en Inde, dans la ville de Mumbai, l'ancienne Bombay, ont été lancées par des terroristes lourdement armés dans 7 endroits différents, dont 2 hôtels de luxe et une gare. Elles auraient fait en tout plus de 400 victimes, une centaine de personnes auraient été tuées et 300 blessées. Une quarantaine de touristes occidentaux seraient toujours retenus en otage dans les 2 hôtels de luxe. Pour avoir plus de précisions sur la situation actuelle, nous allons tout de suite rejoindre notre correspondant, Maxime Dessay, qui est en ce moment même à Mumbai. Maxime, est-ce que vous m'entendez ? Maxime ? Oui, Claire, j'ai un peu de mal à vous entendre. Excusez-nous, mesdames et messieurs, la communication ne semble pas bien passée. Nous allons donc retrouver Maxime Claire, quelques instants. Ah, Claire, je vous entends très bien maintenant. Ah non, la communication semble être rétablie. Oui, Maxime, vous êtes donc en direct de Mumbai. Alors, quelle est la situation actuelle ? Est-ce qu'on connaît le sort des touristes prisonniers et notamment des ressortissants français ? Eh bien, Claire, comme vous pouvez l'imaginer, la situation est extrêmement confuse pour le moment. La ville est dans une situation de chaos quasi indescriptible. Il est donc très difficile de recueillir des témoignages. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'un dispositif a immédiatement été mis en place par les forces de sécurité indiennes. La brigade antiterroriste et les commandos d'élite ont été déployés d'urgence pour arrêter les assaillants et libérer les otages. Parmi les victimes, il y aurait une dizaine d'étrangers. Aucun Français n'a pour l'instant été recensé par le ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'on sait qui sont les commanditaires de ces attaques, Maxime ? Oui, les attaques ont été revendiquées hier soir par leur... Claire ! Vous m'entendez, Claire ? Allô ? Claire ? Mesdames et messieurs, la communication a été perdue. Nous reprendrons donc contact avec notre correspondant dans quelques instants. Le trafic aérien en direction et au départ de la capitale thaïlandaise Bangkok est actuellement suspendu pour cause de manifestations.